Allô ? Vous aviez raison, j'ai dû me tromper de numéro. Pourquoi vous rappelez dans ce cas-là ? Pour me faire pardonner. Vous êtes tout excusé. Maintenant, au revoir. Non, non, attendez, ne raccrochez pas. Quoi encore ? J'ai envie de vous parler. Vous avez 36-15 pour ça. Allez, salut. Oui, allô ? J'ignore toujours votre nom. Ça vous avancerait à quoi de le connaître ? J'aime bien savoir qui je regarde, mais... Qu'est-ce que vous me voulez ? Voir la couleur de tes tripes. Oh. Et oui, on va beaucoup crier ce matin. Bonjour Claire Bernardi. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Il y a un lien entre le masque porté par le tueur en série dans le film Scream de Wes Craven et un des tableaux dont on va parler ce matin qui s'appelle Le Cri, non ? Tout à fait. Le Cri, le tableau le plus célèbre d'Edvard Munch, dont on va parler aujourd'hui, a été vraiment repris par l'imagerie populaire jusqu'à nos jours, et on le retrouve partout. On le retrouve de la BD au cinéma, et bien sûr son avatar le plus célèbre est celui dont on vient de parler. Et également dans le téléphone portable, parce qu'il y a un emoji en forme de cri qui reprend exactement le cri de... Alors, vous avez dit Munch. En français, on dit souvent Munch. Comment on prononce le nom de cet artiste ? On prononce Munch. Munch, comme Télénews Munch. C'est ça, il faut s'y habituer, mais en fait, finalement, c'est assez simple. Edvard Munch, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Bon, vous êtes directrice du musée de l'Orangerie, Claire Bernardi, commissaire de l'exposition que le musée d'Orsay consacrera à Edvard Munch à l'automne prochain. Une grande exposition, est-ce que c'est en lien avec une actualité ? C'est une exposition que nous souhaitions présenter à Paris parce que cela fait finalement assez longtemps que nous n'avons pas vu Munch sur le sol français. La dernière était au centre Pompidou il y a presque 10 ans maintenant, et qui montrait le Munch moderne, Munch l'œil moderne. Cette fois-ci, nous présenterons une exposition assez large, présentant Munch de ses premiers pas dans sa carrière, des années 1880-90 à sa mort en 1944, autour d'une thématique qui traverse toute son œuvre, qui est ce rapport au cycle, ce travail cyclique dans son art, à la fois dans sa pratique, mais aussi dans sa façon de regarder la nature, de regarder le monde. Donc ça sera le sous-titre de cette exposition, ça sera un poème de vie, d'amour et de mort, qui est une citation de Munch lui-même. Et on a envie de rajouter d'angoisse, puisque c'est dans le cadre de cette série sur l'angoisse que nous consacrons cette émission à ce peintre. L'angoisse que l'on voit dans son tableau le plus connu, Le Cri, 1893, on va prendre le temps de le décrire, enfin il y a plusieurs versions. Mais évidemment, ce tableau cache toute une œuvre riche, où l'angoisse est quasiment toujours présente. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Edvard Munch est le peintre de l'angoisse ? Oui, je pense qu'on ne se trompe pas en se disant que Munch traite de cette angoisse absolument dans toutes ses œuvres, je dirais, du début jusqu'à la fin de sa carrière. D'ailleurs, il y a quelque chose de complètement obsessionnel dans son travail. Il peint et il peint sans cesse quelque chose qu'il cherche finalement à extérioriser par la peinture, par la gravure, par le dessin. Il le dit d'ailleurs à un moment, et finalement l'angoisse est peut-être la forme la plus extrême paroxystique d'un sentiment qu'il reprend et qu'il essaie de décrire par sa peinture sans cesse. Il le dit dans les années 30, il parle beaucoup, il écrit beaucoup d'ailleurs. Dans mon art, j'ai essayé de m'expliquer la vie et son sens. J'ai aussi voulu aider d'autres personnes à clarifier leur vie. Cette idée de clarification, je la trouve intéressante. Et on la retrouve beaucoup dans ces œuvres majeures qu'on connaît très bien, hein, comme Le Cri, mais aussi dans d'autres œuvres dont on parlera, j'espère, aujourd'hui. Alors un mot quand même, avant d'entendre, parce qu'il a écrit Munch aussi, c'est très agréable d'ailleurs de pouvoir rentrer dans son œuvre à l'aide de ses écrits, on va entendre des textes de sa plume ce matin. Quand même, présentons l'artiste lui-même, il est né en décembre 1863 en Norvège. Et alors, disons-le, et puis il va le raconter lui-même, sa vie est entourée de maladies et de morts. En fait, on parlait de Kierkegaard hier, c'est un peu pareil chez Munch. C'est exactement ce que je me suis dit d'ailleurs en suivant l'émission d'hier avec vous. Je me suis dit, tiens, beaucoup de similitudes. D'ailleurs, Edvard Munch l'a dit lui-même. Il a dit à un moment, on a beaucoup de points communs avec Kierkegaard et notamment notre vie. Il est en effet, c'est une vie qui est malheureusement sous le signe de la maladie du début jusqu'à la fin. Donc il est né en 1863 dans une famille dont le père Christian était médecin militaire. Sa mère est décédée alors qu'il n'avait que 5 ans de tuberculose. Et après ça continue. Mmh. Sa sœur aînée sa sœur qui avait un an de différence avec lui meurt à 15 ans. Lui-même a été souffrant toute son enfance, toute sa vie. Il y allait très peu à l'école parce qu'il passait son temps à être malade. Et donc c'est vraiment finalement cette atmosphère pesante qu'il a vécue avec un père qui a dû prendre soin d'une grande fratrie et puis d'une tante qui a pris les rênes de la famille après la mort de sa mère. Donc une famille chrétienne. Très élevé élevé de façon un peu à la dure, je dirais, et dans une atmosphère de maladie difficile. Son père était lui-même médecin, donc il allait aussi rendre visite aux malades avec son père. Donc ouais. Toute une atmosphère. Oui, on aurait envie de crier pour moins que ça. Et il le dit lui-même, il y a un lien direct entre sa vie et son art, puisque finalement il décide très tôt de devenir peintre. Oui, il fera finalement, il essaiera pour contenter son père de commencer quelques études qu'il va abandonner très vite dans d'autres champs. Et puis il rentre au Collège Royal de Dessin dès 1880, donc il a 17 ans. Et à 20 ans, on peut dire qu'il est artistique, il est peintre. Alors écoutons-le raconter le rapport qu'il tient pour extrêmement important entre son art et sa vie, c'est-à-dire la maladie. Il va même jusqu'à dire qu'il peint pour extérioriser la maladie. Dans ce texte, il explique pourquoi il refuse de se marier et qu'il va choisir un autre type de vie. Pour comprendre mes déclarations tendant à dire que ce serait un crime de ma part de me marier, je dirai ceci. Ma grand-mère est morte de tuberculose. Ma mère mourut de tuberculose, tout comme ma sœur Hansine. Ma tante, qui vint habiter chez nous, est probablement morte de tuberculose. Toute sa vie, elle a souffert de refroidissement, de crachement de sang et de bronchite. Ma sœur Sophie mourut de tuberculose. Nous autres, enfants, avons dans notre adolescence pâti de graves refroidissements. Je vins au monde malade, je fus baptisé à la maison, mon père ne pensant pas que je puisse survivre. J'ai manqué l'école presque tout le temps. J'avais des hémorragies foudroyantes et des crachements de sang. Mon frère était fragile des bronches, il est mort d'une pneumonie. Mon grand-père paternel, le pasteur évêque, mourut d'une phtisie dorsale. C'est à cause de tout cela, je pense, que mon père tenait sa nervosité pathologique et ses impatiences. Et la même chose s'est développée de plus en plus chez nous, ses enfants. C'est pourquoi je ne pense pas que mon art soit malade, comme Scharfenberg et beaucoup le croient. Ce sont des gens qui ne comprennent rien à l'essence de l'art et ne savent rien de l'histoire de l'art. Quand je peins la maladie et le vice, c'est au contraire une saine extériorisation. C'est une saine réaction qu'on doit apprendre pour vivre. Au moment où le tableau de Munch apparaît dans la salle des ventes de Sotheby's, personne ne se doute que 12 minutes plus tard, il deviendra l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue aux enchères. Mise à prix 50 millions de dollars, l'enchère s'est vite emportée. 7 acheteurs dès le départ, puis 2 au final. Et le marteau tombe à 119 millions de dollars, soit 91 millions d'euros. Peint en 1895, Munch avait réalisé 4 versions de ce tableau expressionniste. Son ancien propriétaire voyait dans cette œuvre le moment effrayant où l'homme réalise son impact sur la nature, le moment où la mort prend le pas sur la vie. Donc grâce à vous Claire Bernardi, nous savons qu'il faut dire Munch et non pas Munch, mais vous aurez compris qu'il s'agit bien de ce célèbre tableau Le Cri, vendu donc aux enchères pour un montant de 119 millions de dollars. C'est le moment justement de s'arrêter sur ce tableau-là. Est-ce qu'il y a un lien entre le texte qu'on a entendu et l'affirmation de Munch selon laquelle il peint pour extérioriser la maladie et le vice et ce tableau? Est-ce que c'est ça qu'on voit quand on regarde ce tableau, la maladie et le vice? Ce qu'on voit, en effet, c'était ce rapport d'extériorisation d'un d'un sentiment très profond qui est si fort qu'il a besoin de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Munch est un artiste, c'est par la peinture qu'il extériorise quelque chose qui fait partie de son être. Il faut savoir que au moment où le cri, comme d'autres tableaux, ont été présentés pour la première fois en Norvège, c'est un scandale absolu. Pourquoi un scandale ? C'est un scandale parce que on n'a pas l'habitude de voir ce type de tableau sur la scène artistique de norvégienne ou internationale d'ailleurs à ce moment-là. On pourrait penser que le scandale est lié à la représentation elle-même, au type de sujet qui est abordé. Mmh. L'absence même de sujet, j'allais dire, le fait que finalement ce qu'on voit dans le cri, c'est une silhouette dont il est très difficile de distinguer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, mmh. une silhouette asexuée, avec un visage complètement déformé, déformé par l'angoisse, puisque l'on voit, ce que l'on voit, c'est un trou béant qui est celui de la bouche, et puis, avant tout, ce que l'on voit à l'arrière, qui est le paysage qui semble déformé, l'arrière-plan du tableau qui devient finalement le sujet premier de la toile et qui est le paysage déformé par l'angoisse de l'homme. Ce qui est finalement complètement novateur et qui sera très difficile à comprendre pour l'époque, c'est le fait que finalement quand on regarde ce tableau, on ne regarde pas la description réaliste d'un paysage ou d'une nature, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la narration encore, c'est-à-dire que il y a une histoire qui est derrière, mais elle est suggérée, et ce qui arrive au premier plan, c'est l'expression d'un sentiment. Donc c'est un des débuts de ce qu'on appelle l'expressionnisme. On considère le cri d'ailleurs comme le premier tableau expressionniste de l'histoire de l'art. Ce terme d'expressionnisme arrive plus tard. Il est difficile de mettre une étiquette sur l'art de Munch qui a traversé la fin du 19e siècle et le 20e siècle tout entier, quoi, une partie du 20e siècle, pardon, et qui s'enracine à ce moment-là, dans les années 1890, dans une tradition picturale qui a quelques années, une tradition, mais une nouveauté picturale, qui est le symbolisme. Donc ce rapport au symbole, il est déjà très très prégnant. Je dis que c'est quelque chose de totalement nouveau aussi dans la forme, dans la façon de peindre, mais par contre, l'idée de montrer l'homme face à la nature et l'homme seul face à la nature, la question de la mélancolie est très présente dans l'histoire de la peinture européenne à ce moment-là. Ouais. Qu'on aille de Caspar David Friedrich jusqu'à Paul Gauguin, qui est un contemporain de Munch. Caspar David Friedrich est ce tableau devenu extrêmement célèbre. On voit cet homme de dos sur un rocher face à une mer de nuages. C'était devenu l'emblème du romantisme. Exactement. Et quand on regarde le cri, finalement, il s'insère dans une tradition et en même temps, il la bouleverse, il la casse complètement. Là, on a un homme ou un personnage qui nous regarde, qui ne regarde personne d'ailleurs parce que les yeux sont complètement exorbités, mais un personnage qui nous fait face et qui nous fait nous inclure dans son propre monde. Dans le tableau de Friedrich, et comme dans beaucoup de représentations de la mélancolie jusque-là, notamment des œuvres de Munch, on pourra en reparler, oui, mais qui sont juste, qui ont été peintes juste avant le cri, le personnage du premier plan, soit nous tourne le dos, soit de profil. Il y a comme une façon de placer le personnage au premier plan comme une figure d'intercesseur entre la représentation, le tableau lui-même et nous-mêmes. Mm-hmm. C'est-à-dire que finalement, la représentation d'une personne au premier plan est une façon de nous faire accéder à la représentation et de nous faire comprendre qu'on sera dans la représentation. C'est comme un double de nous-mêmes ? Comme un double de nous-mêmes dans lequel on accepterait de nous-mêmes qui serait comme une invitation à aller de nous-mêmes dans la représentation et dans le tableau. C'est-à-dire que la personne au premier plan serait finalement une invitation à aller dans le domaine de la représentation. Alors qu'avec le cri, on se retrouve avec une figure qui nous fait face et qui est tellement par elle-même expressive et angoissante que la place du regardeur, elle est très difficile à trouver. On n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'y aller. ça fait peur. Donc il y a une forme de repoussoir, je dirais. Et alors peut-être, j'essaie de décrire l'œuvre qu'on a nous-mêmes sous les yeux. Il existe plusieurs versions du cri, mais celle qui était évoquée à l'antenne il y a quelques secondes, oui, qui est passée en vente aux enchères, est très proche aussi de la première version qui est conservée à la Galerie nationale d'Oslo. Donc il faut savoir qu'il y a en fait plus de 4 versions, il y a au moins 5 versions du cri, plus des versions gravées, ça aussi c'est intéressant, on pourra en reparler. Mais dans cette version dont on parle là, donc cette silhouette au premier plan est à l'avant d'un pont, on voit le fjord norvégien à l'arrière, un paysage et surtout un coucher de soleil rouge sang, et puis à l'arrière deux silhouettes qui sont à peine esquissées, mais qui semblent, elles, marcher sur ce pont. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des représentations de Munch, qu'il s'agisse du cri ou d'autres représentations antérieures comme Désespoir ou Angoisse, il y a toujours ces personnages à l'arrière qui sont comme des sujets qui ancrent, je dirais, cette figure complètement fantomatique et angoissante dans une certaine réalité. S'il était tout seul, on pourrait croire que c'est dans son imagination. Mais comme il y a des personnes au fond, on se dit non, il est vraiment dans le monde extérieur. C'est ça. Et c'est ce qui rend les choses, à mon avis, encore plus angoissantes. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans deux mondes à la fois. On arrive à, dans cette représentation du cri, on est dans notre monde intérieur, dans l'expression absolue de l'angoisse existentielle, et en même temps on est dans un quotidien qu'il décrit, d'ailleurs on l'a entendu à l'antenne, qu'il décrit un moment précis, un phénomène atmosphérique, quelque chose qui est tout à fait de l'ordre du réel. Alors vous avez dit en arrière-plan il y a un fjord norvégien et un coucher de soleil rouge profond, rouge sang. En réalité ce qu'on voit c'est un tourbillon, on voit des vagues de couleurs, alors certes bleu marine qui est entouré ce qui pourrait ressembler à du sable ou de la terre un peu jaune, et des grandes traînées de pinceaux ocre et rouge, mais il faut beaucoup d'imagination pour y voir justement un fjord et un coucher de soleil, ça pourrait être autre chose, si bien que finalement dans ce tableau c'est l'arrière-plan qui se dégage et qui vient nous happer, le personnage nous repousse, mais l'arrière-plan quelque chose d'hypnotique qui nous happe malgré nous. En effet, c'était ce côté tourbillonnesque de l'arrière-plan, cette peinture qui mêle souvent dans ses représentations le ciel et la terre, et j'allais dire encore plus l'élément à queue, la mer et le ciel, et une des caractéristiques de l'œuvre de Munch, qui est quand on a la chance de voyager en Norvège, on comprend très bien ce rapport au paysage et à la terre, et à cette question de la limite très ténue et de cette limite très ténue entre l'élément de la mer et le ciel. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, peut-être dans cette représentation du cri, il le dit d'ailleurs à un moment, ce qui est le plus prégnant, c'est que finalement c'est la nature tout entière qui est empreinte de ce cri, et finalement ce qu'il cherche à souligner et à montrer ici, et qu'il fait beaucoup dans son œuvre, c'est la perméabilité totale entre la nature, entre l'extérieur et son propre corps. Le fait que finalement tout est un, et que cette question du cycle dont j'ai parlé au début de l'émission, cette idée du fait que le monde n'est qu'un, cette théorie moniste qui l'emprunte à ce moment-là aux scientifiques et aux philosophes de son temps, on la retrouve partout dans son œuvre, et elle trouve son expression ultime dans ce tableau. Et c'est encore plus angoissant parce que justement on se dit qu'on est à deux doigts de se faire engloutir par la nature, par le paysage. Alors écoutez comment Munch lui-même parle de ce tableau. Pourquoi le cri? Pourquoi en est-il venu à peindre ce cri? Pourquoi a-t-il appelé ce tableau le cri? C'est un texte très peu connu et qui explique la genèse de ce tableau. Donc c'est comme un trésor. Écoutez-le. Un soir, je marchais sur un sentier montagneux aux alentours de Christiania, en compagnie de deux camarades. C'était à une époque où mon âme était écorchée par la vie. Le soleil se couchait, venait de descendre sous l'horizon. C'est alors qu'une épée fulgurante et sanglante déchira la voûte du ciel. L'air devint comme du sang, strié de flammes. Les collines tournèrent au bleu profond. Le fjord devint bleu acier. Le rouge sanglant et strident sur le chemin et sur la rampe. Le visage de mes camarades vira au blanc jaunâtre. J'ai ressenti comme un grand cri. J'ai vraiment entendu un grand cri. Les lignes de la nature étaient entrecoupées de couleurs. Lignes et couleurs vibraient dans un mouvement. Non seulement mes yeux saisissaient ces vibrations de lumière, mais aussi mes oreilles. J'ai alors vraiment entendu un cri. Here's Johnny. J'aime beaucoup. Ah oui? Oui, oui, mais j'aime beaucoup. Ça me rappelle un tableau d'Edouard Munch. Lequel déjà, oui, Le Cri. Oui. On dirait la version tridimensionnelle du tableau. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Et c'est pas le moindre de ces paradoxes, l'ère Bernardi, que d'avoir donné à ce tableau le nom qui désigne un phénomène sonore qu'est le cri. Parce que là, on entend des exemples de cris fameux au cinéma, que ce soit dans Psychose, que ce soit dans le film de... j'oublie le nom d'ailleurs, Jack Nicholson, qui est en train de vouloir... Shining, voilà, qui est en train de vouloir défoncer la porte avec une hache pour tuer sa femme. Voilà, ces cris d'angoisse, ils sont devenus célèbres. Dans un tableau, on n'entend rien. Alors, est-ce que ce paradoxe rend le phénomène encore plus angoissant? Parce que du coup, on imagine le cri plus qu'on ne l'entend. Qu'est-ce que vous en pensez, Claire Bernardi? Cette question du son est vraiment intéressante dans la... Globalement, dans la question de la représentation du pictural. Chez Munch, elle est complètement, intégrée, assumée dans sa peinture, comme on le voit d'ailleurs dans sa représentation du cri. Cette silhouette non seulement crie, mais elle se bouche les oreilles. C'est vrai. Elle met ses deux mains sur ses oreilles, des mains qui sont plus d'ailleurs des appendices immenses qui viennent couvrir son visage et qui du coup même symboliquement sont étirées au possible. Mais cette position même des mains qui couvrent les oreilles est intéressante parce que c'est une façon encore plus, on dirait qu'il étouffe le son. La peinture ne peut pas exprimer ce cri et finalement, le titre même, comme vous le disiez, parle de cette onde sonore. Et finalement, c'est à dessein que j'utilise ce terme d'onde. Une des caractéristiques de l'œuvre de Munch, d'ailleurs jusqu'à très tard dans sa carrière de peintre, c'est cette volonté de peindre et de manifester cette question de l'onde sonore, mais aussi l'onde lumineuse. Peut-être qu'on en reparlera à un autre moment, mais il y a cette Allez-y. Il y a cette idée dans son art de représenter des phénomènes qui sont des phénomènes naturels, qu'il s'agisse de phénomènes atmosphériques ou de phénomènes donc là le cri c'est une expression de la personne qui semble une sorte de conflagration qui détonne en fait jusque dans le paysage vous parliez tout à l'heure d'ondes qu'on voyait à l'arrière de la représentation de ces vagues qui ondulent dans le ciel et la mer finalement cette onde elle parle du personnage lui-même qui lui-même ondule sur la toile la silhouette elle-même est prise d'ondulation et c'est comme si les stries que l'on voyait à l'arrière seraient les représentations et la représentation ondulatoire du phénomène de la vibration du cri. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit finalement jusque dans ces années 1910, 1920, un moment où il est à un tout autre moment de sa carrière. C'est un artiste déjà bien installé qui a connu des crises dans sa vie, qui a passé un moment de dépression. Il a passé quelques années, quelques mois en hôpital psychiatrique. Il a continué à peindre à ce moment-là. Après ce moment très difficile autour de 1908, il recommence à peindre, mais avec des couleurs beaucoup plus vives, quelque chose de beaucoup plus apaisé, l'on dirait. Beaucoup moins angoissant dans la représentation, et qui pourtant est toujours très lié à cette question de l'extériorisation de sa vie personnelle et cette question de l'expressionnisme dans la peinture, mais une autre forme, je dirais. Et dans ces dernières années, il peint notamment des très très grands tableaux qu'il peint en extérieur, parmi lesquels un soleil incroyable. Il en peint plusieurs versions d'ailleurs, et qu'il considère comme une façon de représenter le principe vital à l'œuvre dans la nature. Et ce grand soleil, il le représente tel qu'il le conçoit et qu'il pense qu'il est conçu par les scientifiques les plus à la pointe de son temps, avec ces grands rayons qui inondent le paysage et qui sont là encore comme des représentations des rayons. Cette question du rayon X est intéressante et elle a été découverte à ce moment-là. La question de la radio et de la radiographie est quelque chose de très prégnant dans les découvertes scientifiques et dans les discussions scientifiques de son temps. Et finalement, il représente les rayons du soleil qui semblent inonder le paysage, avec toujours cette dimension très symbolique du savoir et de qui se diffuse sur la terre. Donc, alors oui, symbole. Et j'invite les auditeurs à se rendre en ligne pour regarder ces tableaux. On en mettra certains sur le site de France Culture, mais ils sont disponibles pour au moins pouvoir visualiser ce que vous êtes en train d'écrire, Claire Bernardi. Encore un mot sur le cri. Enfin, on pourrait y passer une semaine, mais dans le texte qu'on a entendu, ce qu'il y a de vraiment frappant, c'est que l'artiste a vraiment vu ce qu'il a peint. C'est-à-dire que là, il décrit, soudain, il y a une épée fulgurante et sanglante qui vient déchirer la voûte du ciel. Le fjord devient bleu acier, l'air devient comme du sang. C'est-à-dire qu'il peint non pas ce qu'il imagine, non pas ce qu'il redoute, mais ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'écart entre le monde représenté et sa représentation. Tout à fait. Je dirais même plus, il en parle lui-même à un moment. Il dit « Je ne peins pas ce que je vois, mais ce que j'ai vu ». Donc il y a une façon aussi de représenter de façon presque... C'est intéressant parce que la description est très précise. Oui, c'est presque dites. Du réalisme. C'est de ça. Ce point de vue. Donc finalement, il se détache complètement du réalisme dans sa manière de peindre. Et en même temps, pour lui, c'est une forme de réalisme. C'est-à-dire qu'il peint la réalité de son expression et de ses sentiments. Et c'est finalement un moment intéressant. Il fait en peinture ce qu'il voit et ce que cherche à faire certains de ses contemporains en littérature et en poésie. Il est à ce moment-là très intégré dans ce qu'on appelle dans l'ancien Oslo, donc Christiana, le cercle de la bohème de Christiana, et il est très proche d'un poète écrivain qui maintenant n'est pas passé à la postérité comme Monclé, Hans Jäger, qui dit lui-même que finalement ce qu'il faut faire c'est peindre ou écrire ou composer ce que nous sommes. Donc c'est vraiment cette idée l'idée que finalement la source et la matière de leur art, qu'il soit poétique ou pictural, c'est l'expression de leur intériorité et de leur vie de tous les jours. C'est un changement radical à ce moment-là. Il n'y a qu'une seule expression, c'est le cri. C'est le cri. Et l'expressionnisme n'a jamais fait qu'une chose, crier. Et l'image de cette pensée expressionniste, c'est quoi? C'est cette fois-ci, ce serait comme une pyramide ou un triangle dont le sommet ne cesserait pas de monter tout en repoussant la base. Je repousse la base de mon pied et en même temps de ma tête. Je ne cesse d'élever la pointe du triangle. Et de ma tête à mes pieds, de mes pieds à mes têtes, à ma tête, il y a le cri. Le cri qui est tourné vers C'est quand même plus profond que la théorie du cri de naissance. C'est autre chose. C'est autre chose que le cri de naissance. Vous voyez, le cri, il est tourné, là. Il exprime à la fois cet effort pour se désengluer du tumulte et du chaos. Et cette ouverture vers un monde spirituel. La bouche qui crie. La bouche qui crie, la bouche qui parle, ici celle de Gilles Deleuze, hein. C'est un extrait de son cours à Vincennes de 1983. On va revenir sur la définition qu'il donne de l'expressionnisme, puisque lui dit que l'expressionnisme n'a jamais rien fait d'autre que crier. Mais contrairement à ce qu'il dit, je trouve que la théorie du cri de naissance est très intéressante, parce que si on regarde le tableau avec ça en tête, on se dit que ça pourrait être tellement cet individu n'est ni homme ni femme, un peu fantomatique, un peu androgyne, ça pourrait être la figuration assez, très angoissante d'une naissance, de la venue au monde d'un corps à peine formé, en fait, qui déjà crie. Qu'est-ce que vous en pensez, Claire Bernardi? C'est une interprétation très intéressante. Je la relis tout de suite à d'autres représentations de Munch lui-même. Et en effet, il l'a peint, d'ailleurs, il a sculpté aussi, dans des cadres sculptés, nombreuses représentations de ce qu'on pourrait appeler des sortes de fœtus spermatozoïdes. Donc des figures, des figures mi-humaines, qui sont des figurations assez étonnantes, qui sont toujours dans cette ondulation qu'on retrouve dans la figure du cri, avec des têtes disproportionnées, un peu comme des petits têtards. Ouais. Qui représentent cette force de vie qui est en train de survenir depuis la Terre. Ce qui est intéressant, c'est que finalement cette représentation de la force vitale qui serait celle de la naissance et de la question de la reproduction est vraiment à l'œuvre dans sa peinture. Une des toiles les plus fascinantes et les plus fascinantes selon moi de Munch, c'est une œuvre qui s'appelle Métabolisme, où l'on voit un homme et une femme, Adam et Ève, autour d'un arbre. L'arbre de vie, avec cette représentation de ce qu'on pourrait penser être une représentation du péché originel, mais qui, l'un séparé de l'autre, comme cette représentation de la première séparation, sont inscrits dans un cadre naturel, mais eux-mêmes ont été, donc il a peint cette toile et il a confectionné lui-même le cadre, un cadre en bois, dans lequel on voit des troncs d'arbres sculptés dans le bois, et puis en bas, les racines des arbres qui s'entremêlent entre elles, avec, au sein de ces racines, une plante qui renaît de la pourriture de ce qui est dans la terre. Donc il y a cette idée de renaissance, et puis, bien sûr, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il le fait dans plusieurs représentations, en gravure, en peinture, dans ces tableaux-là, des figures qui sont en effet assez étonnantes, qui sont des sortes de représentations de petits spermatozoïdes qui seraient en train de naître de cette nature qui renaît de sa putréfaction. Ça veut dire que derrière la représentation de l'angoisse que l'on trouve vraiment bien au-delà de ce tableau, le cri, qu'on trouve vraiment dans beaucoup, beaucoup de ces tableaux. Je pense notamment aux figures féminines qui ont toujours une dimension vampirisante. Il y a un baiser qui est peint, on a l'impression qu'elle va lui manger le visage. Il y a quand même une forme de, ce qu'on pourrait appeler une forme de vitalisme, c'est ça? Tout à fait. Il y a un principe de vie qui est vraiment à l'œuvre dans la peinture de Munch. Un principe très fort, d'ailleurs. Il le dit lui-même quand il parle de scène extériorisation une scène extériorisation, la scène réaction qu'on doit apprendre pour vivre, on l'a entendu tout à l'heure. On la sent dans les représentations les plus mélancoliques ou les plus angoissantes de sa carrière, qui sont comme vous l'avez dit le cri mélancolie, mais aussi l'enfant malade. Mais il y a aussi une série de représentations qu'il a lié d'ailleurs dans un cycle qui sont des représentations de ce principe de vie qui renaît parfois de la mort. Pour être plus clair, peut-être qu'on pourrait développer un peu sur la façon dont Munch lui-même conçoit sa peinture comme un tout. Oui. Depuis le début jusqu'à la fin de sa carrière, je dirais à partir de 1890, il réfléchit à un ensemble de toiles au sein desquels on peut compter le cri, hein, qui fait partie de ce cycle-là, il les conçoit comme un tout qu'il faudrait exposer ensemble. Il appelle ça la frise de la vie. Il en parle à plusieurs moments. Il s'en explique en 1930, par exemple, donc 40 ans plus tard, 40 ans après avoir commencé ce cycle d'œuvres. Et dans cette frise de la vie, il essaie, comme on en a parlé tout à l'heure, de représenter par la peinture les différents moments importants de la vie d'un homme et d'extérioriser ces moments qui sont des moments cruciaux de la vie de tous. Il va jusqu'à catégoriser ces différents moments et à classifier ses peintures en fonction de plusieurs moments. Donc il y a la naissance de l'amour jusqu'à l'évanouissement de l'amour. La seconde grande classification, on est en plein dedans, c'est l'angoisse. Et donc il y a une section entière de ce cycle d'œuvres qui est consacré à l'angoisse. Dernière section, la mort. Et métabolisme, dont je parlais tout à l'heure, cette œuvre où l'on voit la mort et la vie s'entremêler, est une œuvre un peu pivot qu'il inscrit parfois, parce qu'il se fait commissaire de sa propre œuvre, il présente ses œuvres parfois lui-même hein, dans des expositions, et métabolisme est parfois présenté au centre de cette frise et parfois à la fin. Mmh. Donc il y a vraiment cette idée de principe vital qui traverse les œuvres et... il en parle même à un moment dans un de ses écrits. Il parle d'un fil continu qui relierait les êtres entre eux, d'un fil téléphonique qui serait celui qu'on peut voir et qu'il conduit dans la chevelure des femmes que l'on voit d'un tableau à l'autre. Allez, laissons-lui la parole. J'ai pensé que rien n'est petit, rien n'est grand. Il y a des mondes en nous qui font partie de ce qui est grand comme ce qui est grand se divise en ce qui est petit. Une goutte de sang est tout un monde, avec un astre central et des planètes, tout comme la nuée d'étoiles tient dans une goutte de sang, une petite partie d'un corps. Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. La lumière originelle est sur tout et brille sur toute vie, et tout est mouvement et lumière. Les cristaux naissent et prennent forme comme l'enfant dans le sein de sa mère, et le feu de la vie se consume même dans la pierre la plus dure. La mort est le commencement d'une nouvelle vie. Nous ne mourrons pas, c'est le monde qui nous quitte. La mort est amoureuse de la vie, et la douleur est l'amie de la joie. Et j'étais de plus en plus en colère contre cette femme riche. Je suis comme un somnambule marchant sur l'arête d'un toit, et je suis certainement perdu dans mes pensées et mes rêves. Ne me réveillez pas brutalement. Il ne faut pas non plus m'en arracher, sinon je risque de tomber et de me casser le cou. La terre et les pierres aspiraient à se mélanger à l'air, puis surgirent les humains, les animaux et les arbres. Et l'air devint eau et la terre devint air. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. « Ne me réveillez pas brutalement », supplie Edvard Munch dans ce texte, Claire Bernardi, où il décrit comment la mort est amoureuse de la vie, dit-il, la douleur est l'amie de la joie, et la césure dans le texte, on voit l'irruption dans sa vie d'une intimité sans doute problématique, et j'étais de plus en plus en colère contre cette femme riche. Il y a ici toutes les dimensions de Munch en quelques lignes. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il est, il est très beau, très riche. Et il fait exactement ce que fait Munch dans sa peinture. On voit à quel point ses écrits sont liés à son art pictural. C'est à quel point il mêle le champ du quasi cosmique. Mmh. Il parle, il y a des mondes en nous. Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Il y a cette pensée très diffusée à ce moment-là dans les cercles artistiques et intellectuels qu'il fréquente et qu'il met en œuvre. Et qu'il met en œuvre vraiment dans sa peinture. Et puis, l'irruption, je dirais presque dominée, consciente de l'intimité la plus extrême, presque triviale. Cette femme riche dont il est amoureux et contre qui il est extrêmement en colère. Cette cette idée de funambulisme, ce fait qu'il vit dans un sorte de rêve éveillé et qu'il a très peur de se réveiller. Et tout cela, on le voit dans ses œuvres. Oui. On a finalement dans les autoportraits d'ailleurs de Munch qui traverse sa carrière, il y a toujours cette oscillation entre l'extrême précision dans la description des traits, le fait qu'il se représente, comme on le dit hein, dans les autoportraits, il se met à nu pour son public, il se représente tel qu'il pense devoir se montrer, sans phare, sans recul. Et en même temps, il y a quelque chose de complètement onirique dans cette représentation, qu'il s'agisse de ces autoportraits des années 1880 jusqu'à la fin. Ben voilà, on prendra en exemple hein, l'autoportrait en enfer, 1903. Ouais. On le voit en effet nu, enfin on voit pas tout, mais on voit quand même qu'il a l'air nu, tel que Dieu l'a fait, et qu'il semble dévoré par des flammes d'un côté, par une nuit noire, très très noire, de l'autre. Et son visage est comme barbouillé ici de ces flammes. On n'est pas dans la précision des traits qu'on peut retrouver dans un autre autoportrait, par exemple, autoportrait avec cigarette, que j'aime beaucoup. Il est au contraire très chic avec sa cigarette et des traits fins avec une lumière qui semble venir de face. Dans l'autoportrait en enfer, au contraire, il semble complètement écrasé par le sujet lui-même. Oui, cet autoportrait en enfer est un chef-d'œuvre d'expressionnisme pour le coup. Il a en quelques coups de pinceau, il divise l'arrière-plan et donc la toile elle-même en deux moments. Comme vous le disiez, ce noir d'encre très très fort qui divise la toile de façon dynamique puisque c'est une sorte de diagonale, et de l'autre ce rouge qui est le rouge de l'enfer, hein, donc le titre nous aide à le comprendre, le rouge des flammes qui par sorte de capillarité va jusqu'à envahir le visage même de Munch. C'est une toile qui, du point de vue personnel, est très forte et correspond à un moment de désespoir total hein, de l'artiste autour de donc c'est une toile qu'il a peinte à un moment où ses sentiments amoureux étaient complexes hein, l'histoire personnelle, alors c'était pas cette femme riche, c'était une autre, mais bon, il y a toujours cette... ça prend beaucoup de place et il y a aussi on voit qu'on est à un moment d'équilibre qui va aller vers le déséquilibre, qui le conduira quelques années plus tard à avoir une forme de dépression très forte, qui le conduira à demander lui-même son hospitalisation et à être interné pendant quelques mois. Au-delà de cette histoire personnelle, Munch se représente ici avec cette idée de l'enfer qui domine l'arrière de la toile. Comme vous disiez, dans son plus simple appareil, hein, il est à l'opposé de l'homme, du dandy, tel qu'il se représentait dans l'autoportrait à la cigarette presque dix ans plus tôt, où on voit, par contre, il y a quand même une similitude, dans la représentation, c'est la façon dont il se peint toujours devant un fond indéterminé. Cet autoportrait à la cigarette, c'est encore une fois une figure qui semble comme sortir d'un fond. Il y a quelque chose, comme je le disais, de très onirique hein, dans la représentation. Dans les deux cas, il représente presque un fantasme. Il est lui-même le fantasme. Il est une sorte de fantôme, d'esprit qui sort d'un fond indéterminé. Et dans l'autoportrait à la cigarette, il a ce côté très très dandy avec le petit nœud papillon, les mains allongées avec les doigts allongés. Et la cigarette qui l'inscrive dans un temps et dans ce milieu hein, intellectuel de la bohème d'Oslo. Et en même temps, ce fond indéterminé déjà commence à donner la part belle à ce que je dirais être une sorte de projection de son moi sur un autre plan, puisqu'on voit une sorte d'ombre qui se dégage. Ouais. Et il y a une sorte de fantôme de lui-même et qui même se dans dégage son regard. Il a un regard qui tranche complètement avec sa tenue dandy chic et le mouvement de sa main qui tient la cigarette. Un regard égaré, je dirais. Ah, même ahuri. Il semble avoir vu quelque chose. Ouais. Il semble avoir vu quelque chose. C'est d'ailleurs, c'est le même regard qu'on en trouve dans la silhouette du cri. C'est-à-dire un regard, il ne nous regarde pas vraiment. Il regarde une réalité autre qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui est très angoissant, d'ailleurs, hein, dans ces représentations. Et dans l'autoportrait en enfer, il regarde sur le côté, hein, d'un air un peu... Il ne fixe plus rien. Il y a quelque chose comme s'il était parti ailleurs. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans la représentation de soi de Munch dans tous ses autoportraits et dans certaines autres représentations. C'est la part de l'ombre. Il y a comme chez lui comme une volonté de... On l'a entendu hein, quand il en parlait tout à l'heure, quand il parlait d'une extériorisation. Finalement, j'ai l'impression que l'ombre que l'on voit souvent dans ces toiles prend son existence propre dans la plupart de ces représentations. On a comme l'impression qu'il y a un dédoublement de la personnalité qu'on voit chez lui dans ses représentations, dans ses autoportraits, mais aussi dans des portraits qu'il fait par ailleurs. J'ai pensé en fait hier, en écoutant l'émission que vous avez, dans votre entretien avec Vincent Delecroix, sur Kierkegaard, il parlait de cette théorie que connaissait bien Munch, parce qu'il a lu Kierkegaard et il en a parlé de cette non-coïncidence à soi-même, oui. qu'on retrouve dans ce phénomène de l'angoisse. Et j'ai l'impression que dans cette façon de peindre de se représenter avec cette ombre à l'arrière, il y a cette représentation de cette non-coïncidence. Mmh. Il y a cette ombre qui domine, qui devient un autre être qui est à côté et qui est une façon de se mettre à distance. Il le dit lui-même, j'étais effrayé par ma propre ombre, la terreur m'a poussé vers les couleurs pures. Alors, j'aime beaucoup cette citation que vous venez de reprendre, parce qu'il y a vraiment cette force de la peinture, puisque c'est finalement dans ces couleurs pures que l'on représente ce qui nous effraie le plus et qui fait qu'on arrive à parler à tout un chacun. Et il y a l'idée de dédoublement dont vous parliez, être effrayé par sa propre ombre. Et en effet, toute tentative d'autoportrait est déjà le signe d'un dédoublement, puisqu'on se représente extérieur à soi-même. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cet entretien, Claire Bernardi. Je voudrais quand même qu'on aborde un tableau que je ne connaissais pas et qui va intéresser les auditeurs des Chemins de la Philosophie, puisqu'il s'agit d'un portrait de Nietzsche. Auquel on peut penser quand on entend la manière que vous avez de parler de Munch, son rapport à lui-même, son rapport à la folie, on pense à Van Gogh et on pense à Nietzsche. Et d'ailleurs, dans ce portrait de Nietzsche, on voit du Van Gogh quelque part aussi dans l'arrière-fond. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai. Et à l'inverse, ce portrait de Nietzsche, donc on voit un Nietzsche sombre, solitaire, mélancolique, sans doute malade, mais pas d'ombre, hormis la teinte sombre de sa veste de costume et de sa cravate. L'arrière-plan, au contraire, est solaire, jaune, lumineux, avec un bleu qui est sans doute des montagnes, peut-être un fleuve, en tout cas quelque chose de vif, voire d'apaisant, qui tranche avec le visage même de Nietzsche. Tout à fait, c'est une toile étonnante. Il faut savoir en plus que là, on l'a décrit, vous l'avez très bien décrite pour les auditeurs, c'est une toile de très grand format, il faut le savoir. Je dirais même, Munch, plus il avance dans sa carrière, plus il crée des formats assez monumentaux. Et à un moment où justement cette irruption de la couleur vive, de la couleur dense, est d'autant plus forte. Donc il faut savoir que ce portrait de Nietzsche domine le visiteur qui pourrait le voir, qu'il a une force, une très grande force, même je dirais physique, hein, oui. quand on la voit, et que la silhouette de Nietzsche qui est plutôt bien charpentée, qui est très prégnante sur la toile, est en plus cernée comme d'un trait noir. Donc il y a quelque chose dans la représentation qui en impose, je dirais. Donc il y a vraiment cette idée de faire un portrait. Alors il faut savoir que Munch en a fait très peu, mais qu'il a fait des portraits de commande, et que ceci fait partie d'une sorte de portrait de commande, qu'il s'agisse d'un portrait posthume, donc réalisé d'après photographie, après la mort de Nietzsche. Il est allé à Weimar, il a fait un séjour dans les archives Nietzsche à Weimar, et c'est une commande qui lui a été faite. Donc il y a vraiment cette idée de se plonger à ce moment-là dans l'univers de Nietzsche. Il ne le connaissait pas, il ne l'a jamais rencontré. Non, mais il connaissait le texte. Si, tout à fait. Ouais, ouais. Oui, il en était familier. Oui. Il le connaissait beaucoup par, personne interposée et par relecture interposée. Mmh. Celui qui lui a parlé le plus de Nietzsche, ce sont finalement deux personnes très proches de sa connaissance. August Strindberg, le grand dramaturge suédois, qui l'a beaucoup côtoyé à Berlin, et un autre grand écrivain et penseur de qu'il a rencontré à Berlin, Stanislav Przybyszewski, dont il était très proche, qui a été auteur d'essais sur Nietzsche et qui a été initié aux théories aussi de Ernst Haeckel, qui est un des autres personnages qui a transmis la pensée et les écrits de Darwin. Et qu'il a beaucoup développé à ce moment-là. C'est finalement un peu ce mélange, je dirais, de la théorie et des écrits de Nietzsche et du philosophe et du biologiste allemand qui se mêle un peu dans l'imaginaire de Munch, mais il a lu beaucoup de choses. Et donc, quand il peint ce portrait de Nietzsche, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est finalement ce côté solaire, hein, finalement le côté apollinien qu'il retient et qu'il met en avant avec... pourtant, quelque chose, là encore, hein, de l'ordre de la représentation du paysage, puisqu'on voit Weimar au second plan, donc la représentation de Weimar comme un petit village à l'arrière, et puis toujours cette ligne diagonale qui reprend, puisqu'il est accoudé sur une balustrade, comme dans Le Cri. C'est vrai. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, et donc on a cette grande diagonale qui circule, mais alors là, on a presque le côté... l'opposé dans la dynamique du cri dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'il y a quelque chose de structuré, de fort, d'apaisant. Alors lequel parmi les tableaux dont nous avons parlé ce matin, Claire Barnardi, aurons-nous la chance de pouvoir voir en vrai lors de l'exposition que le musée d'Orsay va consacrer à Edvard Munch et dont vous êtes commissaire? Alors plusieurs d'entre eux. 30 secondes. L'autoportrait à la cigarette ouvrira l'exposition. Mmh. Et puis nous aurons des très belles peintures de ce cycle de la vie dont nous avons parlé. Ouais. Il y a le soleil à la fin, et puis la nuit étoilée dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais que j'espère sublime. Vous découvrirez. Ouais. Voilà. Merci infiniment d'être venu nous parler de ce peintre angoissé ce matin. On se quitte. On a commencé avec le cri, le scream de Wes Craven. On se quitte avec le crâne qui crie, c'est Sonic Youth. We'll be right back. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps d'accueillir Frédéric Worms pour sa chronique philo du jour, le pourquoi du comment. Comment la démocratie entre-t-elle dans nos vies ? La démocratie désigne bien sûr un régime politique. Elle fait l'objet de définitions dans les classifications des régimes politiques. Plus précisément, elle désigne aussi, plus fortement même, un principe politique. Un principe d'organisation de la société, et d'abord de la répartition du pouvoir dans une société comprise comme une totalité, ce qui définit le politique. Le politique, c'est le point de vue sur la société considérée comme un tout. C'est cela qui le définit. C'est d'abord cela, donc, qui va définir la démocratie. Mais on ne peut pas séparer le politique ou la politique de la vie, et cela de plusieurs façons. D'abord parce qu'évidemment, la façon dont un régime politique est structuré entre dans nos vies, la façon dont nous répartissons le pouvoir va influencer nos vies elles-mêmes, et nous ne vivrons pas de la même façon dans une société démocratique ou dans une société non démocratique. Nous aurons le sentiment de participer à la vie collective, de pouvoir nous y exprimer individuellement, de pouvoir nous opposer socialement, de pouvoir faire valoir nos points de vue et nos opinions et nos intérêts. Mais le lien entre la politique et la vie est peut-être plus profond encore. Car d'une certaine façon, la politique démocratique elle-même dépend de notre façon de supporter dans nos vies et même d'être dans nos vies les acteurs de la démocratie. Nous sommes aussi de petites cités, disaient certains philosophes. Chacun de nos individus, mais en même temps chacun de nos petits groupes sociaux est une petite cité, et la démocratie et donc aussi la façon dont nous vivons notre propre organisation individuelle, relationnelle et morale. Les philosophes l'ont bien dit en disant que pour la politique, il n'y a pas seulement les principes sociaux dans leur ensemble, les lois, mais aussi la façon dont les sujets les vivent, les mœurs, et que la démocratie repose pas seulement sur la justice, mais sur la capacité d'assurer notre bien, non pas au sens où la politique doit faire notre bonheur, mais au sens où vivre bien, c'est aussi répartir le pouvoir dans notre petite société interne. Comment pouvons-nous donc être des sujets démocratiques ? Dans nos familles, avec nos amis, comment pouvons-nous supporter le désaccord ? Comment pouvons-nous éviter la tyrannie ? Comment pouvons-nous, malgré tout, maintenir des principes communs ? Par exemple, avec des enfants, définir en effet le bien commun, la capacité de l'éducation et en même temps reconnaître leur liberté. Comment, dans la médecine, organiser la démocratie entre les médecins, les malades et l'institution, ceux qui savent et ceux qui subissent, mais qui en même temps sont des sujets libres et qui doivent avoir voix au chapitre. La démocratie entre dans nos vies. Il y a des principes démocratiques à respecter dans notre intimité, à respecter dans nos hôpitaux, à respecter dans l'éducation, à respecter partout. Et sans ces subjectivités démocratiques agissantes, la démocratie elle-même au niveau politique ne pourra pas vivre. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique Le pourquoi du comment est à réécouter en ligne sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Thaïs Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda et Thomas Jost à la réalisation. À la lecture des textes cette semaine, c'était Bernard Gabet. À la prise de son aujourd'hui, Florent Bujon. On se retrouve demain. Demain, je vous proposerai de redécouvrir un cours particulier en compagnie du linguiste Bernard Cerchiglini, initialement diffusé le 4 février 2022. Et on se retrouvera lundi prochain pour une série autour de Jane Austen. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission, cette série sur l'angoisse, en vous rendant sur le site de France Culture, en la téléchargeant, la podcastant, notamment grâce à l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct ou en différé. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.